بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: هل هناك أدعية عند الإفطار؟ Ils ont posé la question à Cheikh Mouqbil, rahimahullah. Est-ce qu'il y a un dua spécifique à dire quand on rompt le jeûne, à l'iftar, et quand on veut manger le soir, est-ce qu'on doit faire un dua spécifique ? قال رحمه الله وأما الأدعية فمن أهل العلم من يقول ثبت حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله والذي يظهر أنه لا يثبت حديث في الدعاء. شيخ مقبل رحمه الله هنا il a montré que pour lui il n'y a pas de hadith authentique qui spécifie un dua à dire lors de l'iftar et quand on rompt le jeûne. Et il a cité un hadith qui est connu. قوله عليه الصلاة والسلام أو ما روي عنه عليه الصلاة والسلام حديث نعم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا الحديث اللي ضعيف. اعلم أخي الكريم أن تولي أحاديث في الدعاء دعاء الإفطار اسم فبل كما قال الشيخ مقبل رحمه الله. الحديث كي لموا فبل سي هذا إلا يترابورتي بار الإمام أبو داود ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui s'appelle Marwan ibn Salim et il est majhoul al-hal. Il est majhoul al-hal. Et sa situation, elle est inconnue. Et c'est une cause pour que le hadith il soit faible. Il y a des autres hadith, minha marouya anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fa taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Hada al-hadith il a été rapporté par l'imam Ad-Darqutni et d'autres an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma et il est dha'if jiddan. Il est très très faible. Dans la chaîne de transmission, un rapporteur qui s'appelle Abdel Malik ibn Haroun, il a rapporté an abi, d'après son père, wa huwa matruk. Matruk, Abdel Malik ibn Haroun, il est matruk et son père il est daï. Et matruk, c'est une cause qui rend le hadith très très faible. Et son hadith, il a été rejeté, ils n'acceptaient pas son hadith. كذلك, un autre hadith, hadith Anas radiyallahu anhu, annahu قال عليه الصلاة والسلام اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. Et كذلك الحديث il est ضعيف جدا. Dans la chaîne de transmission, un rapporteur qui s'appelle Ismail ibn Umar, et il est ضعيف. Et كذلك un autre qui s'appelle Daoud ibn Zibriqan, ibn Zibriqan, et il est matruk. Donc ce hadith il est très très faible. Donc أحسن ما في الباب c'est hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكن il est ضعيف. Donc, l'avis le plus authentique fi hada, c'est qu'il n'y a pas un dua spécifique à faire. Lakin, on a un hadith qui est authentique. Cheikh Muqbil, rahimahullah, il l'a sahah. Et il est fi Sunan ibn Majah. An Abi Hurayra, radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal, thalathatun, la turad da'watuhum. Trois catégories de personnes, leurs dua, elles ne sont pas rejetées, elles sont acceptées. La première catégorie, l'imam al-adil, un gouverneur juste. La deuxième, as-sa'im hatta yuftir, le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Et la troisième, da'watul madloum, celui qui subit une injustice. Al-shahid qawluhu as-sa'im hatta yuftir. Tastafid min hada fawa'id. Awalan, c'est qu'on a un hadith authentique qui prouve que l'invocation du jeûneur, elle est exaucée. La deuxième faïda, tastafid min hada, anna ne te prive pas, akhi al-karim. Vous avez remarqué que huna, il n'y a pas un dua spécifique à faire là. N'importe quel dua, c'est exaucé. Donc, profites-en. Profites-en le matin, profites-en le, avant le maghrib, profites-en après le dhuhr. L'imad ali anna, tu jeûnes, et quand tu jeûnes, vu que tu accomplis une énorme, une immense adoration, que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, une des récompenses, c'est que, ton dua, ton invocation, elle est exaucée. Donc on doit en profiter. On doit faire un dua quand on jeûne. Amma un dua spécifique avant de manger, ben, il n'y a pas de hadith sahih. Enfin, qu'est-ce qu'on doit dire? On dit bismillah, comme d'habitude. on dit bismillah et on mange wallahu ta'ala a'lam. La référence du kalam de Cheikh Muqbil rahmatullah alayh, Nasa'ih wa Fada'ih, son livre Nasa'ih wa Fada'ih. Amma hadith Ibn Majah, fa Cheikh Muqbil l'a authentifié dans son livre Al-Jami' al-Sahih. Al-Jami' al-Sahih mimma laysa fi al-Sahihayn, wallahu al-muwaffiq, walhamdulillahi rabbil alamin.